émission, seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Lino. Et c'est parti pour une nouvelle semaine avec Lino. Passez une bonne soirée, bienvenue entre 20h et 21h. Monsieur Lino est là pour sa deuxième semaine dans Planète Rap. Yes. Bienvenue Lino. Buenas noches. Écoute, j'espère que tu vas bien. Yes. Et qu'on va passer en termes d'actualité une meilleure semaine, en tout cas cette semaine. Ouais, on va essayer. C'est très très lourd en ce moment, mais on va essayer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'album est sorti aujourd'hui. Ouais. Ça y est, et qu'il est numéro 1. Oui. Voilà, on m'a dit ça. Ah, t'as pas regardé? Non, je regarde rien. Faut quand même raconter, Lino, il revient des Antilles, t'étais aux Antilles là, ouais, ce week-end. Ouais, je suis rentré ce matin. Son donc, jet l'a ramené. Autant dire que. Le jet, ah oui, maintenant. Son jet. On m'a jeté. On m'a jeté. En parachute. Non, mais ouais, c'est. On m'a dit oui, c'est. Ouais, numéro 1, c'est bien. Bah écoute, fantastique. Bravo. Fantastique. Merci. Ouais, Calbo qui est là, qu'on salue, ça va bien Calbo? Oui, ça va. Et j'ai envie de dire un truc, c'est-à-dire que ceux qui ont milité pour le retour de ce rap-là, j'ai envie de faire un délire, c'est voilà, il faut montrer un truc fort. Et moi j'ai balancé un truc, j'ai acheté mon CD, j'ai pris ma photo avec le CD. Bien. Et j'ai balancé ça. Alors faites comme moi. Faites comme Calbo. Voilà. Il est bon. Le retour ne sera pas. On prend aussi les captures d'écran, ceux qui ont commandé sur Internet. Voilà. Même les captures d'écran. Capture d'écran. Faites une photo aussi. Comme les gens aiment bien Internet, vas-y, montrez-vous avec l'album. Et voilà. On achète les albums comme à l'époque. Avec des petites vidéos aussi, hein, pour les plus techniques d'entre vous, n'hésitez pas à les prendre. Acheter les albums comme à l'époque. Regarde, il y a mon prof de tennis qui m'a envoyé une photo, elle est magnifique. Avec la raquette. Ah, t'es un prof de tennis. Il joue au tennis. Il y a Sofiane aussi. Qui est là. J'allais le présenter. Henri le Comte. Riton Lafou. Henri Calbo le Comte, quoi, avec nous. Entre 20 et 21, et en effet, tu l'as présenté, il fait partie de l'album. Ouais, il fait partie des invités sur l'album. Sofiane qui est là. Sofiane, comment va? Yeah, très bien. En pleine forme? Très bien, très très bien. Est-ce que tu as acheté ton album, toi, avec une raquette de tennis? Non, je suis revenu de la Réunion il y a moins de 24 heures. Toi aussi? Je vais envoyer ma photo à Calbo spécialement demain. Voilà. Puisqu'il fait la compilation sur Facebook. C'est spécial pour lui. Postez. Si vous aussi voulez envoyer des photos, n'hésitez pas avec le 41759, avec le skyrock.fm, ça arrive dans le studio. Yes. Avec l'application, vous pouvez vous envoyer aussi. On prend les captures d'écran, hein, bien sûr. Ceux qui ont digitalement acheté l'album, donc n'hésitez pas. Et Lino passera chez vous faire un concert. Un sosie. Y a Tequila aussi qui est là. Ça va présenter le frère. Tequila, ça va, l'album a été acheté ou pas ce matin? J'en ai 10 dans le coffre, t'inquiète pas. Ah, mais ça, c'est la distribution. C'est la maison de disques qu'elle a donné. Et c'est choix universel. C'est ceux qui vendent dans la rue. Je les vois à $35. Pour faire de l'argent de poche. Et je crois qu'il y a une version collector aussi de l'album. Ouais. Une petite box collector de fin qui est là. Une petite boîte. Mais c'est rupture de stock partout. Ah, déjà une boîte partout. La boîte est en rupture de stock. Ouais, la boîte est en rupture de stock. Donc les dernières que vous allez voir, vous les prenez. Donc n'hésitez pas à les prendre sur eBay. Sur Internet, il y a plus de boîtes, plus rien. Il doit en rester quelques-unes en magasin, mais tout est parti. Sur les sites d'enchères, elles s'échangent déjà à plus de 10 000 euros pour la box. Donc c'est monté à 12 000. Bon. Non, mais bon, au-delà du commerce, il y a de la musique et c'est bien de célébrer tout ça. Et par rapport à ce que disait Calbo tout à l'heure, mais il faut célébrer le rap en général, dans son ensemble. C'est ça que je cherchais. Mais il est bon, lui. Devenu bon, frère. Je te remercie. Devenu bon, à chaque fois, il rebondit direct. On devrait faire une émission, frère. Je sens, tu vois, c'est un moment, quand j'ai un coup de fatigue, tu es là. Quand t'as un coup de fatigue, là, j'ai je suis là. J'ai senti le truc, c'est bien ça. N'hésite pas, et je sais, ouais, voilà. Je me doute que la jet lag, ça doit être un peu. Ouais, là, je suis un peu jet lagué. Là, je suis un peu sous Colombo de Cabri. et plein d'autres choses de ce genre. Très bien. Et là, ça va aller, il n'y a pas de souci. Si vous aussi, vous avez acheté l'album, envoyez-nous la liste de vos morceaux préférés, 41759. Avec le hashtag Lino sur Skyrock. Et pour bien débuter cette semaine, nous on a préparé un medley qui regroupe tous les morceaux de l'album, hein. À peu près tous les morceaux de l'album, écoutez. L'émission rap de référence Planète Rap. C'est Planète Rap sur Skyrock. Ce soir, on est avec Lino. Dis-moi, crois-tu vrai? Il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières, j'écouterai tes silences. danser avec les tripes pour rien. Jusqu'à ce que le monde tienne dans ma paume, j'écris avec un surin. J'suis même pas à l'abri dans ma peau, mes feuilles cicatrisent plus. J'écoute ce que le diable me chuchote quand j'en ai marre de pisser le message dans ce violon qui me sert de chiotte. Tous les chemins se refait l'histoire, la pas les chemins sont pavés d'espoir. Cycle paria, les rats des blocs hors demande. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors demande. On fait dans le tragique, je compose des gros concertos en do majeur. Wolfgang, Wolfgang, mon gars du camp. J'élève ma destinée, je dois piloter. Je suis un leader qui refuse de prendre ses responsabilités. J'ai la sensibilité d'une gâchette, mes blessures ont du style. Les guerriers sûrs sont HS, le désespoir c'est un combustible. Et si les IVG se penchent, shoot dans les cigognes. Vu qu'on préfère les mensonges qui rassurent aux vérités qui cognent. Quand les traders spéculent en s'explosant la cloison nasale, on encule mon intelligence en exposant le poison de Chazal. Ça passe par la voix des ondes, tous les accros connaissent ça. Des grosses frappes en la seconde, le style est reconnaissable. Mon micro a raison, rapport père d'humeur sale. Saison 2, épisode 1, suicide commercial. Dans des ombres, j'ai perdu ta trace. J'ai dû me faire une raison, vivre avant de céder ma place. Jardin des ombres, des ombres, des ombres. Passe la bouteille que je lâche. Une gorgée sur le bitume, le ciel crache. Jardin des ombres. Frère, on s'explique les choses, mais on s'écoute pas. On parle le même langage, mais on se comprend pas. On avance dans la même direction, mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble, mais on se connaît pas. J'ai déjà entamé un autre siècle, je me confesse. Dieu me pardonne, la rue elle attend mon album comme Scarface 2. Je ressuscite leurs lettres mortes, me touche une tête d'enterrement. Je les plombe, j'ai longtemps été muet comme une tombe. Un violent mix, la flamme et la poudre, on vient additionner. Je brûle les spilles à pour à de gros couplets démissionnés. Comme un avant-goût de l'enfer avec l'air conditionné. Qui prétend faire du rap, ça se positionne. Je veux un scratch, j'ai une prière pour les b-boys d'hier. Le hip-hop dort dans un jardin de pierre. J'ai mon style propre, une prière pour ces révoltes rouges sang qui virent au vert dollar 99 contre 1%. Une vie de dollar. Pas les révoltes, les accompagne. Y'a le blues, y'a la reggae, du mbala, de la rumba, le compas qui cogne en balade. Entre les rires, les machettes, parfois on a du mal à s'élever. Quand faut remplir l'assiette, on prend un gaï. Zamé, Africa, Ibiza. C'est L-I-N, le L, la 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à élève. Voilà le medley de cet album qui est sorti, qui est numéro 1 des ventes. Monsieur Lino avec nous entre 20 et 21. Et l'album s'appelle Requiem, vous avez eu un petit aperçu. Si vous aussi vous l'avez, dites-nous un petit peu vos morceaux préférés, 41-759. Et on apprend à l'instant que Ronaldo est pour la troisième fois Ballon d'Or. C'est une escroquerie. Je croyais que c'était Alain Giresse. Le gardien est mérité, frère. Neuer ? Bah oui. Ah, mais t'es fou, toi. Ah, c'est pas glamour. Des fous, Ronaldo, son Ronaldo, Algérien. Ouais. Arrêtez, le frère, il a trop mangé. C'est un Algérien du 9-3. C'est donc le troisième Ballon d'Or pour Ronaldo. On fallait donner ça au Keeper. C'était une émission de rap. Sans grande surprise. Et revenons en effet sur. Télé-fou. Revenons. Comment ça va le rejoindre ? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Romarin Bilong. Revenons en effet sur cet album Requiem. Oui, revenons. Depuis aujourd'hui, on va écouter un morceau pour débuter. Ouais, là, vu qu'il y a Sofiane qui est là, on va peut-être passer le morceau. C'est généreux, c'est bien. Narco avec Niro et Sofiane. Très bien, on va peut-être dans un instant. Ouais, on va débuter avec notre temps. On effleure un peu les choses, on discute, on va voir. Morceau avec Manon qu'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière, qui est passé Manon du groupe Mutine. Voici de rêve de Sand, c'est extrait de l'album de Lino. Dis-moi quoi tu rêves, dis à quoi tu penses. Ne regarde plus vers hier, l'horizon est immense. Dis-moi quoi tu rêves, il faut que tu avances. Moi j'entendrai tes prières.

Lino et l'album qui est sorti aujourd'hui numéro 1 des ventes. L'album c'est Requiem et le morceau de Rêve et de Cendre avec Manon. Yes. C'est ce qu'on écoute à l'instant entre 20 et 21. Lino, on le disait, un invité ce soir. Ouais, monsieur Sofiane qui est là, qui est en train de tweeter. Qui tweet. Ça, c'est ça aujourd'hui le problème de cette époque. On peut plus discuter tranquillement. Tout le monde est sur son téléphone arrière. La vie de ma mère, regarde, c'est genre, c'est filmé dans l'émission. Sauf toi. Ah, parce que moi, je suis encore sociable. Je suis encore un être humain. Mais c'est toi d'ailleurs sur tes réseaux sociaux ou pas, Lino, où il y a des gens qui sont. Ah, là, c'est controversé tout ça. Des fois, c'est moi, des fois, c'est pas moi. Directement affecté. Des fois, c'est moi, des fois, c'est pas moi, mais la plupart du temps, c'est pas moi. C'est ça, ouais. Non, mais bon. J'essaye parce qu'il faut, tu vois, c'est important, mais faut pas oublier non plus que le contact humain est très important. Monsieur Bon, un petit mot sur Sofiane. Pourquoi est-ce que tu l'as invité sur l'album avec Niro? Il est sur un morceau avec Niro. Faut que tu dises un truc sur moi. Non, ouais, regarde, je veux parler français. Ce gars-là, je l'ai rencontré. Je crois que c'est la première fois on s'est rencontré, c'est au studio Negmaron. Exact. Et ce connard, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, faut qu'on fasse un morceau ensemble et je vais te niquer. Ah ouais? Et il m'a dit ça. Comme ça? Ouais. Et toi, t'as dit ok? J'ai dit, ce petit con, il a des couilles. Bon, alors? Et puis, moi, je connaissais Rizwan qui bossait avec lui. Dédicace à lui. Et ouais, dédicace à Rizwan. Hein, Yakari, mon genre de tandoori, bon, aka le cheese nan. Est-ce que tu trouves qu'il a niqué son morceau ou pas? Non, jamais, il peut pas me niquer, mais c'est pas grave. J'aimais l'audace qu'il avait quand il disait ça. Moi, ça m'a fait marrer. Et à côté de ça, Rizwan me faisait écouter ses morceaux puisqu'il bossait avec lui, et je trouvais qu'il avait fait des trucs de malade. Et à chaque fois, je lui disais, c'est un putain de rappeur, tu vois. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon alors, Sofiane, moi je vais avoir cette version. Toi, tu considères que tu l'as niqué sur le morceau? Non, parce qu'en fait, je t'explique, il y a un thème. Et en plus, on n'est pas en one-one, t'as compris? Et même en one-one, il peut pas. Moi, ce que je veux, c'est, tu vois, c'est un one-one. Mais ouais, non, Lino, puisqu'on se dit du bien, t'as vu, on se dit ce qu'on pense, tu vois. Mm-hmm. Lino, je pense qu'avec une feuille et un stylo, depuis très longtemps, c'est le meilleur de France. C'est le seul à qui j'admets. On m'a dit qu'au Canada, c'était pas mal aussi. C'est le seul qui j'admets, tu vois, être supérieur à moi sur le niveau, tu vois. Et tu veux te faire des ennemis, encore, j'en ai pas déjà assez. Non, Lino. Lino, comment ça j'en ai pas déjà assez? Et Lino. On m'a parlé de toi, frère. Ouais. t'es connu comme le loup gris. Le loup. Le loup gris. Non, le loup est cru. Tu vois, j'ai accompagné plus ou moins l'album sur le côté, puisque moi aussi je bosse avec Tefa, j'étais au studio, j'ai vu sa construction, j'ai vu son avancement, j'ai vu tout ça. Et j'ai surtout vu la démarche familiale dans laquelle ils étaient, toute l'équipe, Calbo, Tech, tout l'entourage de Bourse. Donc voilà, c'est humain avant d'être musical, et puis c'est musical par la suite, et je pense que ça se passe très bien dans le morceau La Bicra. Donc voilà. Yes. Le morceau qui s'appelle Narco, hein. Ouais. Donc c'est la Bicra aussi, à l'origine. Parce qu'entre nous, on l'appelle La Bicra. Et moi, je voudrais faire un gros big up à Alpha 5. Ouais, dédicace à Alpha. Et à Niro aussi. Et à Niro aussi. Qui a tué ça. Mon gars Niro. L'arabe congolais. L'arabo congolo. Dédicace à lui. On l'écoutera dans un instant, ce morceau Narco. Et Alpha aussi. Alpha aussi, parce qu'on a repris. Alpha 520, ouais. Lui, il était sur Alpha et voilà. Un gros big up à monsieur Alpha 520 aussi, c'est mon gars. Sofiane, on en est où dans l'actualité brûlante ces derniers temps? C'est vrai qu'on t'a vu, t'étais passé l'autre fois, tu nous expliquais cette fameuse table ronde avec des rappeurs à 10 000 euros. Ouais. Est-ce que ça a avancé ou pas? Bah écoute, je sais pas du tout, parce qu'à la base, c'est l'initiative de Jarod. Ouais, c'est ça. Donc, moi, la dernière fois que j'ai eu Jarod au téléphone, c'était toujours confirmé, toujours bon, toujours OP. Non, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'oseille. Non, on avait tout. Ils n'avaient pas l'oseille, ils ont lâché la merde. Tu n'es pas dans le coup, toi? Ah, moi j'ai pas d'oseille, moi. Non, je rigole. Non, mais c'est même pas ça. C'est parce que, en fait, j'ai pas compris le truc. Moi, j'ai pris ça de court. On m'a dit. En fait, c'est Jarod qui a lancé ça sur une radio qu'on salue d'ailleurs, qui s'appelle Urban Hit, en région parisienne, et qui a dit voilà, on va se mettre en combien, 3, 4, 5 personnes, 3, 4, 5 rappeurs. Ouais, après, un peu comme une partie de poker. Fallait mettre 300 euros. C'est vite monté à 30 000. Ensuite, t'as tous les big raveurs de Twitter qui sont mis sur le plan. Ça commence à tweeter des photos avec des liasses, tout machin. Ouais. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé au final? Rien, pour l'instant. Au final, moi, t'as vu, je suis comme toi. J'attends, je suis en jet lag. Donc les mecs, ils ont dit, ah, il y a le loyer à payer, il y a les couches, le gigos. Moi, ce que j'ai fait, c'était après les fêtes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en vacances. Il y a les fêtes, les cadeaux. Je suis parti en vacances, je suis revenu, j'attends, hein, j'aurais jamais. Ah, parce qu'il y a la réalité après. Ah oui, Hugo. La réalité, c'est méchant, ça frappe. Non, en tout cas, voilà, concernant mon album, je pense qu'il est plus intéressant. T'as mon producteur qui est sur ta gauche. Ah non, mais voilà. Moi, je suis. Tapis. Tapis ça va bien ou pas cet album hein. Tapis dans l'ombre. L'album de Bernard Tapis dans l'ombre. L'album de Sofiane, c'est son nouveau blaze. C'est une grosse boucherie. D'ailleurs, il m'a réconcilié avec le trap. Alors c'est pour te dire. La trappe. Ouais, la trappe. Pas grave. Le bal trap. Il y a tout. C'est un album complet. Et voilà quoi, dans la tradition et du lyrical et de l'amusement. Moi j'aime bien. Et c'est pour Sofiane. Ah ça c'est toujours te fin. Ta question est toujours pour te fin. Bientôt. Voilà. Mais avant l'été. Oui. Avant l'été. Aussi, il y aura plein de choses avant l'été. Inch'Allah. Ouais. Bon, on revient. On le met d'ailleurs après la pub ou pas, Lino, le morceau? Tu vas attendre encore un petit peu, faire monter la pression. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je crois qu'on peut y aller. Et ce soir, on va balancer des morceaux. Il est sorti l'album. On peut y aller là. Non, mais on peut balancer. On va balancer le titre. Là, je te sens un peu pince depuis la semaine dernière. Ah, moi, je suis toujours punch. Punch. Ah, j'ai dit punch. Non, pince. Je suis punch. Mi punch. Non, on va faire ça. On va balancer le morceau. Pas de souci. Et bah après la pub, on le met direct après la pub. Yes. Ne bougez pas. Dans un instant, on revient. Donc ce morceau qui s'appelle Narco. Où on retrouve Sofiane et également Niro sur le morceau sur l'album de Lino. Envoyez vos messages 41 759. J'ai eu des messages tiens tout à l'heure arrivés. Parmi les morceaux préférés, on nous parle beaucoup de 7 milliards sous le ciel. Ouais, c'est le morceau avec Zao et Youssoupha. Avec Youssoupha et Zao. Moi aussi, c'est un de mes meilleurs morceaux de l'album. Après, on est toujours dans le système. Qu'est-ce que t'aimes bien? Et on dit toujours tous nos morceaux, on les aime bien, mais c'est faux en fait. Il y a pas mal. C'est comme quand les gens ils disent on aime tous nos enfants de la même manière, c'est faux. Il y a des enfants qu'on déteste. On n'aime pas tous nos enfants de la même manière. Des fois, il y a des enfants que tu détestes. C'est celui que tu tapes plus fort. Oh, le truc horrible. Non, mais il faut dire la vérité. Moi, on est là pour dire la vérité. T'as combien d'enfants, Lino? Il en a 13. Non. Tu connais tous leurs prénoms ou pas? J'ai une fille. Une fille. Oh, bah, ça va, donc tu dois donner plein d'amour. C'est une crème. J'adore. Plein d'amour, s'il n'y en a qu'une pour l'instant. Toujours. Beaucoup d'amour. Je ne suis qu'amour et. Amour et passion. Et beauté. Là, c'est une spéciale et beauté aussi. Amour et badois. À mon petit Eden qui écoute tous les soirs aussi. Voilà, quel beau le message est passé. Il y a Choupi. Choupi, elle ne veut pas parler, je crois. Elle veut pas parler, elle est vénère. Elle est énervée, Choupi. Elle va pas grailler. Ouais, c'est ça, elle est. Choupi, c'est la fille à Steve. Voilà, de Tequila. La fille de Tequila. Ah, merde, j'ai dit Steve. J'ai balancé son vrai nom. Oh merde. Bah, elle est mignonne comme tout en tout cas. Oui, quand même, le père est quand même quelqu'un. Bon, niveau Zankou, là, niveau Zayang, alala. Donc, le père est quand même quelqu'un de très bon. Je suis obligé de faire des enfants, bon, hein. Je suis obligé de faire une congolaise assez charmante. Par contre, Choupi, ouais, elle énerve, il faut lui donner vite à manger. Non, parce qu'elle dormait le temps qu'on arrive ici de Villiers-le-Bel à Châtelet, elle a dormi, elle a pioncé, frère, tu vois. Bon. Donc, elle est énervée, elle a faim. Donc, je vais la nourrir très vite. Ne calcule pas. Eh ben, ne bougez pas dans un instant. Avec les perdièmes de teufa. Après avoir nourri tout le monde, on reviendra sur Skyrock juste après ça. Comme toi. Lino a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Et on écoute le morceau Narco qui figure sur l'album Requiem avec Sofiane, avec Niro, évidemment avec Lino. Yes. Je vais zoomer, je vais goumer ces petits trains. Je veux peser Range Rover, HSE, je veux bicrin. Shooter le prochain qui m'appelle, petit frère qui s'écrase et sort mon cash. Je veux pas faire ma place, moi je veux que la place porte mon blaze. Un prophète de l'insolence, je vais leur apprendre la violence. Foutre ma mère quand la haine se termine, que les ennuis commencent. Faire couler sans des débats, t'inquiète, c'est moi qui démarre. Je suis déterre, hardcore et je vais faire feu sur tous ces fils de pute. Je viens précipiter leur chute, je crois qu'ils ont pas faim eux. Ils sont plus discrets qu'un millionnaire avec un Samsung A20E. Je poserai mes coups sur le terrain, tu pourras rien y faire, gars. Sans perte, ma liberté, et demain dans la merde. J'arrache le monde, Higo, avec mes chicots, t'as sacoche. Des gros gifs, mes grosses griffes pour prendre mon bif dans ta poche. Je vais faire un Tony Carnage, un ciel pequeño bordel. La haine, la vida loca, c'est juste une histoire de grammasse. Un terrain plein de morts vivants défoncés, poche vue. Si t'es Carter, Auschwitz. Personne va tomber d'accord tant que j'aurai pas sorti le brolique. J'irai à confesse, compresser mon destin sous presse hydraulique. Déter, en finir dans le fréjouz. Vrai douze, viscère pesé, claqué dans la grégouze. Cacher la foudre, monsieur Barnes dans les bras. Finir hors piste, on n'est jamais mieux servi que par son gros fils. Frère, Requiem, tous les jours, frère. C'est dans les bacs, un mot. Wesh, Nire. Dieu, tous les jours, frère. Yep. Je prends les loves, je prends les loves. Je vois les souvenirs en bagaille. Audi R, jante noire, un peu sous, on charge le tag à hiver, on peut venir mon calibre, caché derrière des vides teintées. J'ai la santé, quand je vais remonter, je vais enculer la terre. De plus en plus d'ennemis, pour piquer en gros en paix. Caractère bien trempé d'un plan A, on baisse ton plan B. On peut pas se ressembler, il doit du pif, on doit le faire trembler. RDV avec la lune, on regarde le soleil flambé. J'entends les villes, c'est sur les dos qui chic et mon poids à la poudre. On prend du gramologue. Je loqué à la donne. Mon caractère de cochon, j'ai trop crié sur mes rejetons. Je leur fais confiance à 100%, je sais qu'il manquera aucun projeton. J'ai acheté des appartements, aujourd'hui j'achète des manoirs. Je vis plus n'importe comment, mais chelou, j'ai toujours les mains. Là les poteaux au dépôt, j'ai les condés sur les coups. Ils pourront tous les sonder, ils ont rien de fondé sur mes faux. Un mètre c'est juste trois plots, avec trois plots t'es en fait. Ces saloperies veulent ma peau depuis que j'empile les trophées. Un coup de fil anonyme, j'ai fini par me faire coffrer. La bi gravée dans ma tête et dans celle de mes refrains. La bi grave, la bi gravée dans ma tête, frère, tous les jours, frère. Dieu, tous les jours, frère. Wesh le loup, mon ami, j'ai le cas. Mouloud. Yeah. Nico, sérieux mon frère. Voldemort. J'ai visé, Jumbo j'ai soumé, le frère. J'ai goumé ces petits crabes. J'ai pesé Range Rover, HSE. J'ai big crabe. Je vois plus ces putes qui m'appelaient petit frère. Des piges après, sors ma case. J'ai perdu ma place et la place porte toujours pas à mon blaze. J'suis dehors, faut que je me relance. Je connais le tarot de la violence. De l'autre côté des barreaux, je suis le même sans l'oseille, l'insolence. Je cache, perds casse. Avec le diable, tu peux négocier. Et la laine de ta femme sans le sguet de ton associé. Maintenant, le fusil d'assaut, on pousse l'accent. Je compte les vrais amis qui me restent sur les doigts de pied d'Oscar Pistorius. Passer du culot à la tonne, de la tonne au chantier. Mon mode de vie, j'entends ces PD de rappeurs le chanter. Je traque pour mes fautes, c'est le karma, j'ai tiré le sale numéro. J'ai enfanté autant de putains de zombies que George Romero. Dans un De Palma, je vis big up Oscar, fais s'incarcérer. Y'a plus que des bébés criminels, des jeunes cachettes, des croix serrées. Y'a ceux qui vendent ce cachette, tu survis, t'as la carrière. Le cours de la drogue a pas chuté, même à la mort de la rue. Y'a chuté dans le réel, la vie d'un voyou rangé. Un taf, un gosse pour qui je suis qu'un connard d'étranger. C'est loin des plaquettes, les fours, la frontière espagnole. Les tapins qui dansent sur ma braguette quand la sirène des chamioles. Je stresse, je les vois s'engraisser, ça pousse à sortir de la retraite. J'essaie de pas chuter, mais la bicrave est dans ma tête, frère. La bicrave est dans ma tête. La bicrave est dans ma tête. Wesh Rizwan, à deux têtes. Tous les jours, frère. Wesh OR. Tous les jours, frère. Doumom, Kalagan. Le morceau qui s'appelle Narco à l'instant, c'est sur l'album de Lino avec Niro, avec Sofiane qui est là ce soir. Ouais, voilà, c'est le morceau de Narco. Et voilà, faut bien, là, faut bien expliquer, faire attention parce que des fois les gens, tu vois, ils ont du mal à comprendre des fois les morceaux. C'est pas une apologie à la vente de drogue, hein. Tu vois. C'est, non, même si les morceaux s'appellent Narco. Non, il faut bien comprendre. On était déjà dans ce morceau-là, on était parti dans un concept assez spécial, voir les débuts et la chute. d'un dealer. C'est le parcours. Voilà, le parcours. Ouais, c'est plus sur un parcours. Et voilà, on parlait d'un parcours et on était parti en réalité. Là, je vais donner un petit scoop. Bon, voilà, Lâche. Il y a Maître Sean Bachelor sur la gauche. Il commence à froncer du sourcil gauche. Mais non. Là, on voulait même faire un genre de court métrage dessus. C'était vraiment cinématographique. On a fait ce morceau. On voulait vraiment montrer le chemin parcouru par un mec, tu vois, qui est dans la bicrave et tout ça, et montrer les côtés négatifs, le début, la fin, quoi. Tu vois ce que... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce court métrage? Il faut demander à Maître Sean Bachelor. Là, ce n'est plus dans ma compétence. Là, j'arrête, je sors du micro. Que s'est-il passé sur ce court-métrage? Là, t'as compris. Il n'y avait plus de sel. L'idée n'est pas enterrée, mais c'était très, très, très compliqué à faire. Il fallait 4 jours de tournage, monter en Espagne, tout ça, c'était la folie. Et donc, on a préféré faire d'autres clips. Bon, question de budget, quoi. Pour lire clairement ce que tu dis, c'est ouais, question de budget. C'était un clip. Non, mais je pense que si on insiste bien, on peut. Bah là, si ça se passe bien, si ça continue à être numéro 1. Ouais, bah voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ouais, c'est pour ça, Fred, encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui kiffent ce genre de rap, achetez le CD, allez faites défendre. Une photo avec, voilà, qu'on se fasse un kiff, qu'on rachète enfin des CD. Et là, on va vraiment montrer à tout le monde que le rap n'est pas mort. Allez-y, et puis non, envoyez les photos. Loin quand même. Il faut que je suis obligé de t'arrêter. Le rap n'est pas mort. Ah, je sais qu'il n'est pas mort. Même si on fait les cons avec ça, mais il y a beaucoup de nains, il y a beaucoup de bons rap aussi, mais bon. Mais pour revenir, mais bon, c'est moi le meilleur. Il y a eu un rire forcé. Je suis pas sûr. On ne sait pas s'il faut rire sérieusement ou pas. On plaisante pas. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur d'entre nous. Mais pour combien de temps? Voilà. Il y a un client. Il y a des gens en embuscade. Des gars que t'invites sur ton album. On plaisante. Moi, nous, on est dans la globalité. On kiffe. Voilà, on kiffe le rap en général et il faut que vraiment cette musique elle aille de l'avant et c'est important. C'est pour ça qu'on travaille. Je voulais revenir sur un point sur ce que tu disais là sur Narco et sur la façon dont de temps en temps il faut. C'est marrant parce que c'est toi qui avertis les gens en disant attention, on fait pas un morceau sur la bicrave, sur la drogue, sur. Oui, c'est vrai, parce que souvent. C'est un truc auquel tu penses de plus en plus d'ailleurs quand t'écris maintenant ou pas? Non, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est très complexe parce qu'aujourd'hui les gens ont du mal des fois à capter. Et c'est vrai, c'est arrivé sur VLB. Je sais pas si on en a parlé un peu quand on a commencé l'émission. Et c'est vrai que les mecs comprenaient pas, ils disaient. Vous faites de l'apologie du quartier, des racailles et tout ça. Mais les mecs vont pas au bout du morceau, tu vois. On fait pas d'apologie. Il y a pas d'apologie de quoi que ce soit. On fait un constat. Mais le constat, faire un constat, c'est pas de l'apologie. Mais est-ce que c'est un truc auquel tu fais plus gaffe maintenant, de plus en plus gaffe par rapport à tes débuts, par rapport même à Arsenic à l'époque des deux albums d'Arsenic? En fait, oui et non, parce qu'il faut pas non plus. Si on est trop sous contrôle. On évite de faire des choses et on passe à côté de plein de trucs parce qu'on est trop sous contrôle. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent aussi faire la part des choses. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, voilà, Terminator, c'est Terminator. Tu comprends? Moi, dans le morceau, je joue un rôle. Tu vois? Je joue un rôle. Moi, j'ai jamais dealé quoi que ce soit. Je pense que c'est un petit peu pareil pour les jeux vidéo. Je connais des mecs qui le font, mais bon. Je pense que c'est un point qui est important. C'est vrai que c'est souvent dit, il y a une responsabilité sur le ciné, sur la musique, sur les jeux vidéo. Mais je pense qu'avant tout, la responsabilité, c'est, et surtout quand t'as des enfants, c'est la preuve responsabilité parentale. Donc, qui est là. Non, mais à un moment, quand t'arrives dans la chambre et que t'entends trop de trucs, tu peux peut-être aussi couper. Mais de toute façon, j'ai jamais été moi dans le délire de faire juste saloperie pour saloperie. Mais ce que je veux dire, c'est que non, on le fait d'une manière, et je voulais pas le faire moraliste, ce morceau-là. On voulait faire à la première personne. Tu comprends ce que je veux dire? Premier degré direct, quand on est au cœur du truc, comme c'était cinématographique, c'était premier degré. Je voulais pas faire ne vend pas de drogue, ça a aucun sens. Bon, en tout cas, vous irez juger par vous-même avec ce morceau Narco qui est sur l'album Requiem. Dans un instant, on va mettre un autre titre aussi. Et juste avant, on accueille Sun Steve de Bordeaux. Allô. Allô, le Bordelais Sun Steve, comment ça va? Salut Fred, salut Lino, salut tout le monde dans le studio. Arsenic, mon enfance, tout ça. Est-ce que tu as été chercher l'album Requiem aujourd'hui? Ah, j'ai pas été malheureusement chercher l'album Requiem aujourd'hui. Ah là là. Fais ta photo, frère. Mais j'ai écouté. J'ai vu il y a quelque temps Arsenic qui revenait, Lino, j'ai vu Suicide Commercial sur internet, mais ça faisait bien longtemps que je suivais plus tout ça, tu vois. Mais j'ai écouté du coup tout à l'heure, sympa, je vais aller écouter plus attentivement, tu vois. Bah vas-y, histoire de voir les bails, parce que c'est quand même mon enfance, tu vois ce que je veux dire. Bah il faut y aller, l'enfance c'est important, il faut y retourner souvent. l'époque, ça me rappelle l'époque du noyau dur, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Tous les projets du genre. Eh ben écoute Sun Steve, on te conseille cet album qui est sorti aujourd'hui. Il s'appelle Requiem, l'album de Lino. Et cette semaine, tiens, j'ai pour vous aussi, pour tous les freestylers, donc il y en a une pour toi Sun Steve, une tablette Samsung Galaxy Tab 4. Ah, c'est cool. D'une valeur de 250€ avec la sortie du film Sous X. C'est un film qui sort mercredi. Il y a Cut Killer qui a fait la bande son de ce film Sous X, qui arrive un peu partout à Bordeaux et dans toute la France. Et à cette occasion, tu repars avec une tablette Samsung. Mais là, on t'écoute rapidement. C'est parti. Cool. Allez, c'est parti. Session freestyle par téléphone. Oui, moi aussi, je suis Charlie, tu es moi si vous n'êtes pas de mon avis. Pas de censure, pas de censeur, j'écris ce que je veux, je suis libre penseur, libre d'exprimer mes sentiments, mes idées. Je suis pas un mouton, je laisse personne me guider. Respect à ceux qui dénoncent ce qui se passe et ne change pas devant toutes les menaces. Aujourd'hui, les barbares ont frappé pour sanctionner la peur et nous museler. N'ont-ils pas honte d'avoir été aussi lâches? La connerie humaine a rarement été aussi basse. C'est facile de tuer, appuyer sur une gâchette, c'est plus dur de faire marcher ce qu'on a dans la tête. Hommage aux braves qui nous ont quittés, on continuera le combat, reposer en paix. J'ai une pensée pour les victimes et leurs familles, grâce à des gens comme eux, la liberté existe. L'encre doit couler, pas le sang et les larmes, mais face à des mots, ils ont choisi les armes. Ça montre bien le niveau d'intelligence, quand on ne sait pas parler, on emploie la violence. Bande d'ignares, bande de fous, soyons tous unis pour pas finir comme vous. Pas de clichés, tombons pas dans l'amalgame, y'a que l'amour qui nous aidera à faire face. Le monde est en deuil, pas seulement la France, tous rassemblés malgré nos différences. Exprimez-vous, peu importe comment, montrons à ces chiens qui est qui commande. Hommage aux bras qui nous ont quittés, on continuera le combat, reposez en paix. Ok, Sun Steve à l'instant de Bordeaux. Voilà, avec cette actualité. Une phrase, c'est moins facile de faire marcher ce qu'on a dans la tête que d'appuyer sur une gâchette. Monsieur, voilà, c'est la phrase retenue par Lino. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que c'était une des punchlines du. Voilà, non, mais c'est très important, ça parle. C'est malheureusement d'actu. C'est ce que j'avais envie de faire passer aux gens, tu vois. Non, mais c'est très bien. Merci à toi. On peut te retrouver où, Sun Steve, sur le net, un peu partout? Alors moi, on peut me retrouver sur Facebook, Sun Steve officiel. Sun Steve officiel du côté de Bordeaux. Voilà, du côté de Bordeaux. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Moi, j'étais en maison de disque pendant 2 ans. J'ai arrêté mon contrat. Maintenant, je vais faire mes projets par moi-même. T'étais où en maison de disque? Parce qu'on est avec Maître Sean Bachelor, là. Il peut gérer tes bails. Il peut gérer toutes sortes de contrats. Équerre, compas. J'étais chez NSP Record à Bordeaux. Ouais. T'as des connexions là-bas, toi. J'ai des connexions là-bas, donc après malheureusement, j'ai préféré faire les choses par moi-même parce que ça marchait pas comme je voulais. Ouais. Je m'entendais pas bien avec tout le monde. Enfin bref. Bah après c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais vraiment de tout. Là j'ai pas grand-chose sur internet de visible. Tout. Après, si des gens sont intéressés, je fais des intrus, mais n'importe quel type d'intru, ça peut être rap, ça peut être dirty, ça peut être des musiques qui bougent, du club, ça peut être du banjo, de la clarinette, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Instru, banjo, tout. Ouais, toutes sortes de sons. Du sertaki. toutes sortes de sons pour Sun Steve qu'on écoute un instant et qu'on retrouve donc sur le net Sun Steve officiel. Merci à toi, Sun Steve. Yes. Passe une bonne soirée. Et là, on va retrouver Lino avec un extrait de ton album, Lino. Ouais, mais d'abord, je voulais, parce que tout à l'heure, on est là et il y a mon gars qui est là aussi, Il y a Bilal qui est là. Bilal. Hein, Sonoff, il est là. Et il a balancé ses sons déjà sur le net. Ça, c'est le fils de Misto. Ouais, vas-y, Bilal, viens nous dire un petit truc là. Il est en train de. C'est voilà, mon gars qui est là. D'aller Sonoff, sur les traces du daron. Ça va? Ça va, ça va. Moi, je s'appelle comment? Sonoff, Bilal. Pour les intimes, c'est Bilal, mais maintenant, on va dire Sonoff pour la musique. Sonoff pour la musique. On peut te suivre, toi aussi, sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu avais balancé pas mal de choses. Ouais, sur. Il y a Facebook, c'est Sonoff. Il y a Instagram, Sonoff93. Twitter aussi, c'est Sonoff93. Et puis voilà, en ce moment, j'enregistre. Un EP, il va sortir courant de l'année, on est en train de faire ça. Bon, tu suis les tontons Arsenic qui sont là. Bah oui, obligé. Hein. Et là, un bon peu client à aller voir qui s'appelle Enfant de la Balle. Enfant de la Balle, ouais. Ouais, c'est sur YouTube, c'est Sonoff, Enfant de la Balle, voilà. Et bah, allez cliquer, merci d'être là. Ouais, merci à vous. Tout va bien. Voilà, et faut acheter Requiem de Lino, hein, parce qu'il est lourd. Hein. C'est est-ce que tu l'as acheté aujourd'hui? Est-ce que tu l'as acheté? Moi, je l'ai acheté. Tu l'as pris en photo? J'ai pris en photo Lino, il m'a même dédicacé. Et tout, voilà. Pour mettre Calbo qui centralise toutes les photos. Voilà. Calbo. Exactement. La meilleure photo, Lino viendra chanter dans votre salon. Mettre Calbo sur son arbre perché. Récupérer les photos de l'album de Lino. Allez-y, vous les envoyez au 41759, le Skyrock FM. Et donc, quel morceau tu voulais mettre Ah là, t'es bon, toi. Il est fort, lui. Là, tiens, tu me dépouilles. Regarde. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Boxe avec les mots. Teufin. Flingue à Renault. Qu'est-ce qu'on met, Teufin? Le flingue à Renault. Le flingue à Renault. Son bachelor, qu'est-ce qui se passe? Son bachelor, il s'agite. C'est un super titre. Et ben, on y va, on balance. Je fais une grosse dédicace à mon gars Virus parce que c'est son morceau préféré de l'album. Donc voilà. Le flingue à Virus, on va dire. À Renault, j'ai retrouvé le flingue à Renault. Virus, c'est mon gars. Le V, tu connais. Virus. Allez, spécial pour toi, le frère. C'est parti maintenant. Rase-toi la barbe. C'est sorti depuis aujourd'hui, cet album numéro 1 des ventes déjà, Requiem. Hop ça la prose. Dédicace à Amaury. Black King Story. Les nerfs parlent plus fort que la raison. Je chante ce millénaire et je pars en rafale de métaphores sur les ondes. Je suis des coins où les anges disparaissent sous des linceuls. Amoroso! Sans toujours des caresses, des poings dans la gueule. Je mange le mic sur son barrière, la prod ceinture. C'est pour les microbes, Marianne en god ceinture. En live du commissariat, baisse la jeunesse comme une femme. Cougar, quartier disciplinaire, couleur coccyte et brown sugar. Les dingues, je vais soulever au coup dur, je m'abonne. J'ai retrouvé le flingue à Renault dans les égouts du top album. Coincé entre la hache de Trust et la guitare à Brassens. Parce que la soumission fait du lap dance, ça plaint dans sa rap et la peur revient charbonner. Quand se voit le printemps arabe et les fleurs que ça a donné. Le l'échelle du bise, y'a plus rien de marquant, une vise. Comme si j'avais giflé BHL avec un exemplaire de Mein Kampf. À quand le bordel, y'a trop d'amour sans vaseline. J'ai la défaite dans le viseur, planqué dans la tour voisine. Graine de terroriste, viens les irriter jusqu'à plus d'heures. J'mets la vérité à poil, j'fais des attentats à la pudeur. J'pars choc en écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour un aveugle. Où on meurt pas à la fin, je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. Je passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfreint. Hey, je pars choc à l'écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. Je vais venger mon épiderme, loin des MC qui supplient. Ma patate vient de gorer en passant par le Mississippi. Moi j'ai le cœur, c'est un moteur Panamera. Et je rejoue la fin de Scarface à jeun avec de meilleures caméras. De la jungle comme Malcolm, je repère les fauves déguisés. Ma haine est sous X, retour aux pyramides déguisées. Mes soucis pleuvent, trop de pression dans la salle. Ils versent l'essence de Guerlain sur le brasier des tensions raciales. Ça commence à faire loin, je vois toujours pas la terre promise. On est toujours esclaves, dis-le au monde, je m'occupe des frères, des homies. Dans mes phases, une France qui s'embrasse, se dessine un troisième doigt pointé. C'est mon blase dans langage des signes. Je m'engage du bout des lèvres, ma destinée, je dois piloter. Je suis un leader qui refuse de prendre ses responsabilités. J'ai la sensibilité d'une gâchette, mes blessures ont du style. Les guerriers sur son HS, le désespoir c'est un combustible. Et si les IVG se font shoot dans les cigognes, vu qu'on préfère les mensonges qui rassurent aux vérités qui cognent. Quand les traders spéculent en s'explosant la cloison nasale, on encule mon intelligence en exposant le poison de Chazal. Je pars choc en écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. Je passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfreint. Je pars choc en écran, je véhicule mes idées sans frein. Je fais des films pour aveugles où on meurt pas à la fin. Je viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration. Maintenant, j'avais en cas avec l'histoire, mais c'est. pute est pas venue. Donc laisse-moi faire mon réquisitoire à la gloire des avenues. La guerre c'est un art et la victoire une science. C'est le max, c'est le diable, le logo d'Apple. C'est le fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Les calaches à bois, la race, le fourgon passe autour d'un bourbon. Ils tracent le nouvel ordre avec l'équerre et le compas. Les chiens de la casse entretendus cherchent le messie. Sache que les négros pendus ont tous quelque chose de Tennessee. Des pros un calibre, t'as besoin d'ennemis comme moi. J'suis pas un rappeur conscient libre, j'suis raide, j'rappe dans un semi-coma. Qui dit rien qu'on sent, regarde nos marques. J'devrais les prévenir, être sincère dans le faux, c'est être mort pour de vrai. Shoot de près, pas à terre, pas de blessure superficielle. J'donne la matière pour ma biographie non officielle. Avec la rue, j'ai des atomes crochus, donc du mal à rester droit. On approche nos défaites et de nos chutes. La réussite est une pute vertueuse qui baisse quand ça lui chante. La vie est une tueuse à la silhouette alléchante. Perdu sur l'échiquier, on monte pas au top sans les bases. On peut tout faire avec un chéquier, sauf stopper les balles. J'pars short dans l'écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour aveugles, où on meurt pas à la fin. J'viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'passe aux aveux sur un gros son, la loi en enfrein. Hey, j'pars short dans l'écran, j'véhicule mes idées sans frein. J'fais des films pour aveugles, où on meurt pas à la fin. J'viens pas sauver la veuve, l'orphelin de la poudre sans le parfum. J'avais du mal à cracher ma frustration, maintenant j'ai un flingue. J'ai retrouvé une flingue à Renault, la violence m'a trouvé. J'ai retrouvé une flingue à Renault, la violence m'a trouvé. Oui. Sera le myocarde, regarde à vous. Requiem. Yes. Lino, à l'instant, yes. Extrait de l'album Requiem et ce morceau, donc il s'appelle Le Flingue à Renault, ouais, qui est dédicace à Monsieur Renault. Renault. Ouais, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Beaucoup écouté, plus jeune. Même pas plus jeune, hein, même récemment. Je refais la musique, faut refaire. Parce que des fois, il y a des trucs que tu comprends pas tout de suite. Quand t'écoutes très jeune, il y a des trucs que tu chopes pas et avec la maturité, il y a des trucs que tu chopes, tu comprends. Et j'ai beaucoup écouté ces albums. Il y avait aussi sur Liaison Dangereuse, je me souviens, c'était Calbo. Pas une reprise, mais il y avait le son d'Hexagonal. Hexagonal. La reprise d'Hexagone de Renault. Les bons morceaux ne meurent jamais. Voilà, donc quelqu'un d'important dans la discographie. J'aime beaucoup Renault, c'est un vrai artiste. Lui, en termes de punchline aussi, le mec. Il a ce qu'il faut. Voilà, concept. Il y a que des tueries. Beaucoup de bons morceaux que j'aime. Il faut pas oublier qu'on est en tournée un peu en ce moment. On n'a pas fait le point. D'accord. On finit donc sur Renault. On dit plus rien sur Renault en tout cas. Si on peut, peut-être conseiller aux gens qui connaissent pas Renault d'aller. Bien sûr. C'est vraiment des artistes. Moi personnellement, c'est des artistes qui m'ont inspiré. Moi, c'est un des premiers rappeurs en termes de punchline. Moi, je considère que c'est un rappeur. Même si à un moment donné, il était un peu réticent sur le rap, il s'est un peu repris sur la fin. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie moi à ce niveau-là. Pour moi, c'est du rap. Tu l'avais croisé toi à l'époque ou pas sur Hexagonal, Calbo? Il avait écouté le morceau. T'avais eu des retours ou pas à l'époque? Non, mais il avait kiffé. Il avait kiffé le morceau et. C'est vrai, t'as raison de préciser, sur le rap, à un moment il était un peu. Ouais, il y a un moment où il était un peu, tu vois, il était mi-figue. Il sentait pas. Mi-figue, mi-cassis. Il y croyait plus trop. Il trouvait les mecs trop nerveux. Mais non, en réalité, quand tu pousses bien. Après, tu vois, peut-être qu'il avait des préjugés et tout ça et il englobait un peu. Il faut toujours s'intéresser aux choses. Même ce qui te paraît un peu, tu vois, bancal. Fais l'effort d'écouter vraiment et tu vas trouver des perles dedans. Je crois qu'il y a été depuis. Bonsoir. Ah, Calbo, je constate que tu es pressé à donner les dates. Est-ce que je peux lâcher les dates depuis? Donc, on y va. Il est en date. Voilà, donc le 31 janvier à l'Arena de Genève. 7 février au Tetris du Havre. Le Datier. Le 20 février au Paloma. Attendez, calmez-vous. Le 20 février au Paloma à Nîmes. 28 février, La Vapeur Dijon. 7 mars, Saint-Genis en Puy. Voilà, 7 mars au Médiateur à Perpignan. 21 mars, Bretigny. Le 3 avril, quelques prisons. Prison avec le maire, machin. Bon, ça, si vous ne pouvez pas y aller, c'est pas très grave. C'est Mouloud qui gère ça. Mouloud avec Hip Hop Convict, qu'on salue. Une dédicace pour Mouloud. Le 4 avril, à l'étage à Rennes. Le 10 avril, Passager du Zinc à Avignon. Le 24 avril, au Centre Culturel de Château des Rochers. Mais quand s'arrêtera ces dates? À nos gens, le 23 au mois d'avril, là. 23 mai à Calais. Non, on tourne beaucoup, c'est important. Ça continue. Et c'est d'ailleurs, ce week-end, concert, c'était aux Antilles. On s'est fait un kiff. Ou un tapitre de shows. Voilà. Et ben, on salue ceux qui nous écoutent là-bas, via l'application sur le Skyrock FM. J'ai mes raids. Pas mon lit. Bon, avant de se quitter, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Jeffrey, 2015 démarre bien. Ah va bien, cousin. Skyrock t'invite sur le Cosmo Tour de Soprano dans toute la France. Salut Anna de Grenoble. Ouais, salut. Ça salut Lino, salut Arsenic, yes, Fred. Salut la jolie petite fille qui est dans le studio. Ah, tu vois, tu nous regardes, il y a les images. C'est Choupi qui est là. Elle est trop mimi, Choupi. Mais là, elle fait un peu la tête. Choupi, elle fait la tête. Je crois que Choupi est un peu fin. C'est une mascotte. C'est ta taille. Elle est un peu fin et elle connaît déjà l'album de Tonton Lino par cœur. Donc, elle a raison. Maintenant, elle peut les grailler maintenant. Donc, gros bisous à l'équipe. Ça va, merci. Eh bien, bienvenue, Anna. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, je suis prête. Allez, go. La roulette qui va tourner, qui va s'arrêter pour toi sur les cases, c'est... Et bah c'est les places pour aller voir Soprano, Anna, ça y est, deux places pour aller voir Soprano du côté de Grenoble, c'est pour toi. Ah nickel, merci beaucoup, merci à toute l'équipe, un gros bisou et bon succès à Réquiem. Ça va, merci la sœur. Et n'hésite pas, si tu te procures l'album, d'envoyer une photo à Maître Calbeau. Très important. Pas justement. Super, non, faut pas. Envoyez vos photos. Les suspects. Voilà, alors n'envoie pas de photos sur l'album. Vos photos avec l'album, très important. On leur montre que le disque se vend encore. Calme-toi, Steve. Garde ton sang-froid. Il y a la petite. L'album s'appelle Requiem. Merci à vous. Merci à Anna. Lino, demain le retour? Ouais, demain. Entre 20 et 21. Là, on était un peu jet-lagué. On arrive, bon, on reprend normal, nos marques. C'est lundi. Là, on reprend nos marques. On descend de l'avion, frère. On arrive, on monte crescendo demain et on est encore là jusqu'à vendredi. Eh ben, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en tout cas, de vous avoir cette semaine encore une fois de plus. Merci à vous. Yes, merci. Et l'album numéro 1 des ventes depuis aujourd'hui. Ouais, merci à tous les gens qui sont allés choper l'album, voilà. Qui font les photos, qui sont allés, qui supportent et même ceux qui supportent pas. Voilà, on est fleuris, c'est pour tout le monde. Merci. C'est pour tout le monde, il n'y a pas de sélection. Merci à toi Lino, merci à vous tous, on va retrouver pour la musique. Merci Lino, le numéro 1. Number 1. Yes, merci les frères. Number 1. Et demain le retour, 20h-21h, yes. Planète Rap, pas loupé. On sera là, nous aussi. Et oui. J'espère bien. Et là c'est parti. Voilà, c'était un suspect. Il y en avait 3. Là c'est une machine à laver. Là c'est Marie. C'est Marie la machine à laver. Oui, c'est normal. Non, arrête, hein, la misogynie. En tant que femme. Merci, hein. Là, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Ouais, je sais que c'est pas toi. Ouais, mais Lino, tu le pensais tellement fort, Lino. Enfoiré dit fou. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci Samar. Et c'est parti pour la radio libre. Merci Lino, bis Alfredo. Et à demain. À demain. 20h pour le Planète Rap de Lino, encore toute la semaine avec l'album événement, ce tout début d'année. L'album de Lino dans les bacs aujourd'hui. Et nous, en direct sur Skyrock, aujourd'hui, comme tous les soirs, au 01 53 40 30 20, vous nous appelez, Marie danse, mais ça va pas l'empêcher de répondre au téléphone. Non, c'est clair. Cédric est là aussi, Samy également. Yes. Bonjour Romano. Bonsoir. Momo doit être dans le coin. Karim, on sait pas trop où, mais on le retrouvera peut-être dans la soirée. Momo, je sais pas, il est speed là, il a tout éteint, il y a plus de live, il y a rien, il a tout coupé d'un seul coup. Ah bah il va arriver. Je sais pas ce qui lui arrive, il a tout coupé, il était énervé, il a tout coupé d'un seul coup. Il va nous faire une entrée fracassante. Je crois que c'est la défaite du PSG qu'il a mis dans cet état. C'est possible, j'ai vu que ça l'avait travaillé un petit peu. Et le ballon d'or de Ronaldo, il voulait pour Ibrahimovic, mais il n'a pas eu. Eh non, c'est Ronaldo le ballon d'or. C'est Ronaldo. Ouais, Cristiano Ronaldo du Real, 3e ballon d'or pour lui. Bon, on en reparle, on parle de ça, de tout ce que vous voulez, de vous, de ce que vous avez envie de nous dire. Venez faire les cons avec nous jusqu'à minuit. Eh bien, écoutez, on va bien en profiter, on va bien se marrer. On va démarrer avec Uptown Funk tout de suite. Ouais, Uptown Funk. Ronson, Bruno Mars. Qu'il est fort. Gros son, une grosse découverte Skyrock. Eh ben on démarre avec ça tout de suite. On arrive dans une minute là sur Skyrock. À ciao. Tout de suite, Radio Libre jusqu'à minuit. Ciao Fred. Premier sur le cash. 1500 euros si tu me dis.